Chapitre 12. Le cornet. La lettre poursuivait. Je vous demande bien pardon de vous écrire, mais je n'ai que vous à qui dire ce qui m'arrive, et il faut bien que je vous explique pourquoi je ne suis pas à cette heure au château de Rohan-Polduc, comme je l'avais promis à la femme du moulin. Il ne sait pas encore qu'elle est morte, pensa Céleste avec un gros soupir. À part cela, continuait la lettre, j'ai exécuté de point en point tout ce que la brave sorcière m'avait commandé. Je me suis présenté chez M. de Rieux, lieutenant-colonel de Conti, et je lui ai remis ma lettre de créance, qu'il a lue en riant de tout son cœur. C'est un seigneur très gai. Après avoir lu, il m'a toisé de la tête aux pieds, et j'ai entendu qu'il disait « Ça fera un beau soldat ». Pour cela, oui, pensa Céleste. Après quoi, disait encore la lettre, M. de Rieux m'a fait l'honneur de me tendre la main. Pensez si je tombais des nues. Il me secouait la main bonnement, et il riait, et il parlait tout seul, disant « Foi de moi, voici au moins une mine à porter le nom d'un breton de vieille roche. Celui-là, si on lui met le fouet à la main, saura bien chasser les croquants de la maison de son père. » J'ai eu bonne envie de lui demander si c'était de moi qu'il parlait, mais il a sonné pour avoir du vin, et m'a fait boire une tasse pour ma bienvenue. Chaque fois que j'allais l'interroger, il me donnait un grand coup sur l'épaule et me disait, en riant comme un bossu, « Mon mignon, quand tu le tiendras, le fouet, frappe fort et ferme et ne te gêne point. » Puis tout à coup, il a repris. « As-tu entendu parler, mon petit bonhomme, de ce serpent mythologique qui avait tant d'ennemis et tant de têtes? Je crois qu'il s'appelait l'hydre de Lerne. La brave femme qui t'envoie a aussi beaucoup d'ennemis et beaucoup de têtes, 3 ou 4, sans compter celle qui lui sert à Paris. Et toutes ces têtes-là tiennent fermes sur ses épaules. » Céleste se frottait les yeux. « Comprenez-vous cela, vous Céleste ? » demandait Raoul dans sa lettre. « Moi, j'en étais tout étourdi. Cependant, j'ai réfléchi depuis ce matin 3 fois plus que je ne l'avais fait en toute ma vie. Je suis bien sûr qu'il parlait de la meunière. Elle et Madame Isor ont les mêmes desseins. Enfin, je voudrais gager que ces desseins se rapportent à nous deux. » « Le fou ! » se dit Céleste. Mais pensait-elle bien ce qu'elle disait ? Je saurai si je me trompe, reprenait la lettre, ou si j'ai deviné juste. En attendant, j'ai foi en ma destinée, puisque la volonté de Dieu l'unit à la vôtre, Céleste. Je servirai ceux qui vous aiment jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je combattrai leurs ennemis. Je vous entends me demander si je les connais. Pas encore, quoique M. de Rieux ait prononcé 3 noms, entre 6 éclats de rire. Ah, quel gueuleron ! Et comme il vide bravement son verre. Il a nommé d'abord Rohan-Polduc, ensuite l'intendant Feydeau, et enfin un cavalier que le hasard a fait mon ami d'un jour, l'Espagnol Don Martin Blas. Céleste resta pensive après avoir lu ces 3 noms. Au bout d'un instant, elle murmura. Le premier est l'homme dont je mange le pain, le second est le père des demoiselles que je sers, et le troisième est ce beau seigneur qui m'a fait peur ce soir dans l'escalier à force de me regarder. À l'âge où les 2 demoiselles Feydeau commençaient à s'ennuyer de leur poupée, et alors que feu Madame la Sénéchale, fille aînée de Feydeau, après 2 ou 3 années de mariage infécond, désespérait d'être mère, on trouva un soir sous la maîtresse porte du manoir de Rohan une petite fille endormie dans un berceau d'osier. On la recueillit. Elle était très jolie et remplaça d'une manière avantageuse les poupées dont Mademoiselle Agnès et Mademoiselle Olympe ne voulaient plus. Ce fut à qui des deux aimerait le plus passionnément la petite fille. On délaissa pour elle le chien favori et même la chatte blanche. La petite fille était Céleste. Vers ce temps, Madame la Sénéchale, qui était une pauvre créature, bonne, faible, et souffrant déjà de la maladie qui l'a mit au tombeau, rencontra dans la forêt une femme inconnue qui lui dit « L'orpheline est la sûreté du château, souvenez-vous de cela. » On commençait à parler des loups. Jocelyn Guitant avait été vu dans les coupes de Saint-Aubin du Cormier. Les paysans disaient que Valentine de Rohan courait le pays la nuit déguisée en mendiante. Depuis quelque temps, dans les loges de la forêt, le mystérieux nom de la Louve avait été prononcé pour la première fois. Madame la Sénéchale n'eut garde d'oublier. Tant qu'elle vécut, Céleste fut heureuse. On l'élevait auprès d'Agnès et d'Olympe comme si elle eût été leur jeune sœur. C'était la Sénéchale qui lui avait donné ce nom de Céleste, car on n'avait trouvé aucune indication dans le berceau. Céleste était si douce que les deux demoiselles Feydeau continuaient de l'aimer. Ce fut lorsqu'elle eut 12 ou 13 ans, l'année qui suivit la mort de la Sénéchale, que son martyre commença. Les gentilshommes qui venaient au château la trouvaient charmante et le disaient. C'en fut assez pour la faire prendre en horreur par Mademoiselle Agnès et Mademoiselle Olympe. En quelques mois, leur aversion fit des progrès si rapides qu'elles allèrent jusqu'à la frapper. Céleste résolut de s'enfuir. Mais vers cette époque, la conduite de ces deux tyrans changea quelque peu. Le sénéchal s'était interposé ouvertement. Si le lecteur a souvenir de la dernière entrevue d'Alain Polduc avec son beau-père et de certaines lettres signées Saint-Elme, mentionnées dans cette conversation, il devinera aisément le motif de l'intervention de M. le sénéchal. La lettre disait en effet quelque chose comme ceci. « Paris est loin, mais j'ai le bras long. » Polduc le savait bien. Depuis lors, Céleste ne fut plus maltraitée qu'en parole. Mais la haine des demoiselles Feydeau s'augmentait journellement de toutes les marques d'admiration prodiguées, en leur présence même, à la Cendrillon, comme elle l'appelait. Céleste faisait cependant de son mieux pour les fléchir. Elle oubliait les rebuffades et les sarcasmes d'aujourd'hui pour ne se souvenir que des caresses d'autrefois, et sa reconnaissance à l'égard de M. le Sénéchal était aussi vive que sincère. Rien jusqu'à ces derniers temps n'avait jeté la moindre lueur dans son esprit au sujet du secret de sa naissance. Elle se croyait la fille de quelque pauvre villageoise. Le premier doute qui naquit en elle vint de ce mystérieux baiser déposé sur son front par la belle comtesse Isaure. Les paroles de la meunière avaient changé ce doute en fièvre. Mais ce petit drame, dont le prologue semblait si plein de promesses, avait eu, ce jour-là même, son dénouement triste et muet. La meunière était morte, entraînant avec elle ce secret qu'elle était seule à connaître, sans doute. Voilà que maintenant Raoul venait lui apporter d'autres espoirs et d'autres notions. Raoul, qui la veille était pour elle presque un étranger, et que désormais, grâce à cette même pauvre femme décédée, Céleste aimait plus qu'un frère. Elle voulait savoir. La lettre du nouveau cornette de Conti éveillait violemment sa curiosité, sans la contenter. Et pourtant elle restait là, rêveuse, et ne tournait point la page achevée. Il y avait une phrase énigmatique qui lui revenait comme un refrain. Raoul avait parlé de la meunière comme ayant 4 têtes. « 4 têtes ?» pensait Céleste avec un superstitieux espoir. « Il faudrait donc la tuer 4 fois ?» Et comment M. de Rieux a-t-il pu obéir à une mendiante qui se cachait dans une masure en ruine ? Au bout d'un instant, elle reprit sa lecture. Après m'avoir forcé de boire à sa santé, M. de Rieux m'a demandé si je trouvais son vin bon. Puis s'étant levé de sa bergère, il a dégainé ma propre épée, sans du tout m'en demander permission. « Cadet, m'a-t-il dit, sais-tu au moins te servir de cela ?»« Assez bien, ai-je répondu. » Je n'ai pas cru devoir lui dire que mon vieil ami Bergaz m'a tenu 4 années en sa salle, et je l'ai laissé éprouver mon épée sur le plancher. « Voici la mienne là-bas, m'a-t-il dit tout à coup, en me montrant son épée pendue à la muraille. « Décroche-la, cadet, nous allons voir. » J'ai obéi. Avant même que je fusse en garde, il m'a détaché une botte volante à la hauteur des yeux. J'ai paré de pied ferme, et si rudement qu'il a passé l'épée dans la main gauche pour secouer ses doigts de la droite qu'il avait tout engourdi. Et il riait, le digne homme, mais de si bon cœur. « Tu t'appelles Raoul ?» me dit-il. C'est un nom de preux, palsambleu. Tu as une bonne poigne. Sans faire semblant de rien, il m'a poussé de la main gauche une seconde botte si vive que je me suis cru borgne pour le coup. J'ai paré encore de mon mieux. L'épée a sauté hors de sa main. Ah ah, foi de moi, a-t-il fait en se tenant les côtes. Quel joli petit seigneur. Ramasse-moi cela, cadet. Tu es cornette de Conti. Va-t'en acheter tes équipages. Ce disant, il me tendait bien amicalement une poignée de pièces d'or. Je lui ai répondu que j'avais un mandat sur le trésorier du régiment. « Bon, bon, petit Raoul, » s'est-il écrié en riant de plus belle. « Tu es fier, tu en as le droit. Je te permets de m'appeler mon cousin. » Je croyais rêver, et comme je me confondais en action de grâce, M. de Rieux m'a pris la main et l'a serrée rondement. Il me regardait. J'ai cru un instant qu'il allait cesser de rire. Dans son regard, il y avait comme une nuance d'émotion attendrie. Alors j'ai demandé, « Qu'ai-je à faire pour le service du roi ?»« Quand tu seras équipé, Raoul, mon neveu, » m'a-t-il répondu, « je te charge spécialement de te promener dans les rues de Rennes. Ce soir, tu viendras me dire le temps qu'il a fait. Attends, j'allais oublier. Ne manque pas de passer au revers des lys, sous le balcon de la comtesse Isaure. » Il m'a salué de la main et je suis sorti. J'étais comme ivre. Le trésorier du régiment m'a compté 1000 écus. Une heure après, j'avais mon uniforme et je me promenais à cheval par la ville pour le service du roi. Par obéissance, j'ai passé et repassé sous les fenêtres de Madame Isaure, mais elle était absente. C'est seulement sur le tard et au moment où le soleil allait se coucher que j'ai vu de loin venir son carrosse. Je me suis approché, elle m'a souri. « Il n'y a que vous au monde, Céleste, pour être plus belle que la comtesse, et il y a des moments où je trouve que vous lui ressemblez. »« Salut, cornette, » m'a-t-elle dit. Une demi-douzaine de gentilshommes accompagnaient son carrosse. Elle m'a fait signe de venir tout contre la portière et m'a dit « Ce soir au château, n'oubliez pas que vous avez promis. » Et comme je m'inclinais respectueusement, voulant dire que je n'avais garde d'oublier, elle a ajouté « Cette nuit au bal du gouvernement, j'ai à vous parler. » Elle a rentré sa tête dans son carrosse et je suis allé dire à mon colonel le résultat de ma journée. « Neveu, » s'est-il écrié en me voyant, « je sais le temps qu'il fait. » « As-tu bonne envie de commencer ta besogne ?»« J'en brûle d'impatience, mon colonel. »« Eh bien, Raoul, tu vas entrer en fonction tout de suite. Je te confie le commandement du poste de nuit des portes mordelaises. On craint quelque chose. » J'ai été sur le point de lui avouer le rendez-vous de la meunière que venait de me rappeler la comtesse Isaure. Mais ce secret était-il à moi ? D'ailleurs, plusieurs gentilshommes sont entrés en ce moment. Et M. de Rieux m'a donné la main en me disant « « Va-t'en, neveu. » Et il a ajouté pour les autres, « Messieurs, voici un maréchal de France en herbe et qui ne sera pas le premier de son nom. » Au moment où je sortais, tout le monde demandait, « Quel nom a ce jeune gentilhomme ?» Vers 7 heures, j'ai pris le commandement de l'escouade préposée à la garde des portes mordelaises. J'entendais mon beau cheval piaffer dans la cour et je me disais qu'en moins d'une heure, il pouvait me porter près de vous. Mais j'avais encore dans l'oreille le mot de M. de Rieux. On craint quelque chose. Faisant donc, contre mauvaise fortune, bon cœur, je me suis mise à une table et j'ai écrit cette longue lettre pour vous dire ce que j'aurais tant aimé vous conter de vive voix. Un soldat va partir à franc étrier pour vous la porter. Vous me plaindrez avant une heure. Il y avait ce post-scriptum. Au moment de clore ma lettre, j'entends M. de Rieux qui demande à haute voix « Le cornet Raoul est-il à son poste ?» Et il ajoute en parlant à l'officier, « Mon camarade, il est invité au bal de M. de Conti de Toulouse. »« Ah, ce n'est pas cette fête que je désirais. Là-bas, je vous aurais vu, et peut-être que le mystère qui commence à me rendre fou aurait soulevé un coin de son voile. » La lettre s'échappa des mains de Céleste, qui pensait, « Que d'énigmes, en effet. Mais celle qui avait donné le rendez-vous et qui pouvait éclairer cette nuit étrange, n'est plus de ce monde. Je ne l'avais vue qu'une fois, et elle me faisait peur. Ah, je ne savais pas que je la regretterais comme ma meilleure amie. » Un instant, elle demeura absorbée. Ses yeux étaient humides et ses mains jointes. Au mouvement de ses lèvres, vous auriez vu qu'elle priait pour la morte.